Bonjour, je suis Mariana Petrovic, donc du LACITO CNRS et en même temps ATER, donc à l'Université de Nantes. Je suis ravie d'être là, et si je suis là, c'est aussi à cause de la coordination nationale, en fait, à cause de cette liste qui fonctionne encore. Donc je suis l'une de ces inscrites d'il y a 2 ans, et donc je consulte régulièrement, même si a priori, d'une certaine façon, je suis endormie, dans le sens où je ne participe pas forcément à toutes les réunions, etc., et à toutes les discussions. Donc je suis ravie d'être ici, et j'ai beaucoup aimé toutes ces discussions, mais j'ai beaucoup aimé aussi le dernier exposé, jusqu'au moment des négociations, du mot « les négociations ». Et du coup, je fais un parallèle avec l'une des questions de départ, et l'un des mots de départ, parce que c'est une problématique qui m'intéresse énormément en ce moment, c'est la question de la réflexivité. Comme je suis linguiste de terrain, que je m'intéresse à l'anthropologie aussi. Donc, quelle est la place de la réflexivité d'un sociologue qui parle d'un mouvement, d'un mouvement très fort d'une communauté de chercheurs et d'enseignants, parce que pour moi, les enseignants-chercheurs sont des chercheurs. Donc, comment vous renvoyez cette question de la réflexivité donc à un sociologue de Paris 1, voilà, face à la communauté des chercheurs générale, et éventuellement à des militants, etc. Et pour les non-chercheurs, on peut préciser ce que c'est que la réflexivité. J'ai la preuve que la question est pertinente dans le fait que dans les 6 questions que posait Michel Barthélémy, c'était la question numéro 5, la seule que je n'ai pas traitée, précisément. Alors, pourquoi je ne l'ai pas traitée? Parce que, pour les raisons que je vous ai indiquées en début d'exposé, c'est que je prétends ne pas intervenir en tant que chercheur. Je pense que l'universitaire peut aussi intervenir en tant que militant, en tant que citoyen, et avoir une vision, une réflexivité sur lui-même lucide à cet égard. Je pense que je pourrais faire le travail, effectivement, d'analyse sociologique de ces configurations, etc. Mais là je ne l'ai absolument pas fait. Et je pense avoir, en tant qu'enseignant-chercheur, quelque chose à dire sans avoir fait le travail de sociologue, pour autant, sur cette configuration. Ce que je veux dire par là, c'est, est-ce que ce n'est pas votre position de chercheur à Paris 1 qui fait que vous étiez directement impliqué dans une unité de négociation qui ne correspondait pas, à priori, à la majorité de la vision de la... Je vois. Non, mais je contesterai pas le côté éventuellement un peu conservateur du corps enseignant de Paris 1. Ça, j'en suis le premier convaincu. Donc là-dessus, on sera tout à fait d'accord. Il se trouve qu'à Paris 1, vous le ferez confirmer par la présidence assez facilement, je suis un petit peu à la marge et un peu atypique. Peut-être un peu moins affecté par cette tendance au conservatisme. Je vous redis ce que je vous dis. Je pourrais contrôler la date de cette réunion des collègues de sciences politiques dans l'UFR. Je ne sais plus si c'est fin février ou début mars. Mais effectivement, on pourrait retrouver les indices qui nous amenaient à cette conclusion. Des indices sur le cabinet. Comment ? Vous n'avez pas fait passer cette analyse. Mais elle était. On passait pour des traîtres. On passait pour des traîtres. Si on disait au début mars, je l'ai fait, tu t'en souviens pas, je l'ai fait. J'ai tenté, entre la 4e et la 5e, d'amener à un vote sur une proposition d'État généraux proposée au gouvernement par la coordination. On m'a traité de social traître. C'était inaudible, totalement inaudible. C'est-à-dire arriver à faire comprendre ce qu'on avait, nous, en tant que politistes, à savoir la certitude que la stratégie de Sarkozy était de ne jamais rompre et de nous amener au mur. Ça, on en était certains, je vous le redis, début mars. Et donc, le sens de ma proposition, ce n'était pas d'aller à la soupe, ni de négocier avec un gouvernement que je hais par plus que tous les gouvernements qui sont succédés depuis un demi-siècle dans ce pays. C'était d'éviter de tout perdre, comme on l'a fait, effectivement, en avril et juin, d'essayer de sauver les meubles, ou au moins de renvoyer la charge symbolique de notre défaite sur le gouvernement, après avoir publié le fait qu'on était prêt à négocier, même s'il refusait de rentrer dans la négociation. C'était ça, c'était pas l'ancrage conservateur, etc. Bon, j'ai fait un choix d'adhésion syndicale à la FERC-SUB-CGT, qui n'est pas particulièrement conservateur dans son orientation. Voilà. Alors, sur l'affaire CUP CGT, un point quand même pour répondre à... Non, c'est pas le débat, c'est pas le débat, Jérôme. Il faut bien distinguer les biatos et les enseignants quand même. Oui, donc Christophe Pébart, Bordeaux 3. Moi, je trouve que le dernier propos est extrêmement intéressant parce qu'il me paraît être, concernant la certitude ou non de la victoire ou de la défaite, me paraît tout à fait intéressant parce que je crois qu'il est, il nous permet de pointer, au fond, ce qui, moi, m'intéresse ici, parce que sinon, ça finit par être presque une réunion d'anciens combattants et où nous sommes en train de dessiner à la fois notre propre prestige et nos propres mérites pour passer sous silence notre défaite et nos défaites, non seulement celles du passé, mais en même temps, celles qui arrivent, parce que malheureusement, le gouvernement et les gouvernements successifs n'ont pas arrêté de réformer l'université. Donc il me semble que l'un des intérêts, disons, et peut-être à mon avis le seul, sur ce retour sur nous-mêmes sur quelques années, c'est d'essayer de comprendre dans quelle mesure nous pouvons y trouver une forme d'expérience et de réflexivité sur la suite. Parce que sinon, je crains que ce soit comme dans ma province, on a tout essayé en 2008, parce que moi, c'est déjà ce que j'entends. C'est à quoi bon lutter? Nous avons déjà essayé, chacun, de ressortir son brevet, sa photo souvenir de la manifestation à laquelle il ou elle a participé, et disant, la preuve que j'ai tout fait, j'étais à la manifestation du X mars, etc. Bon. Ce qui est très intéressant, parce que je crois que, au fond, à mon avis, ça pose le problème de la politique. Si effectivement on pense que scientifiquement on peut dire qu'au mois de février on avait perdu, alors je dirais que c'est même pas la peine d'aller négocier, parce qu'un animal politique comme Sarkozy, s'il a face à lui des gens qui finalement ont comme prémisse vous avez gagné, alors la négociation est quand même extrêmement mal engagée, car ce genre d'individu ne négocie pas avec des individus qui considèrent qu'ils ont déjà perdu et qu'au fond ils essaient juste de s'en sortir. Donc je crois que le vrai problème, c'est de croire à une dynamique et de croire à la construction d'une victoire. Et je pense qu'effectivement, c'est là où, sans doute, à l'intérieur du mouvement de 2008-2009, il y a eu des tensions qui n'ont pas toujours été exprimées, car pris dans l'ambiance, au fond, chacun se disait, pourquoi pas la prochaine fois? Peut-être que la prochaine fois, ça va marcher. Vous vous rappelez peut-être avoir suivi chaque mercredi les échos du Canard enchaîné nous annonçant que dans 3 jours, c'était sûr, il retirait le projet, etc. C'est dans la mare au canard. Moi, je me souviens, on affichait ça sur les murs de notre université en disant, stabilo, en gros, on en fait encore une de plus et puis on a gagné. Donc, il y avait cette ambiance comme ça, renforcée par des informations médiatiques qui faisaient que, au fond, on n'avait pas besoin de se poser la question de la dynamique politique. Alors, je crois que le vrai problème, Jean-Louis l'a évoqué, c'est de savoir pourquoi, au fond, nous avons été incapables d'élargir. Alors, on peut toujours dire que les autres n'ont pas voulu de nous. Mais je crois que... Non, mais je sais bien que c'est pas ce que tu as dit, mais c'est aussi parfois ce qu'on a entendu en disant les universitaires, mais nous, on est tellement à part, etc. En même temps, ça flatte notre ego et notre orgueil de se dire qu'on est un petit peu à part. Moi, je crois qu'il y a quand même un certain nombre d'éléments qui doivent nous permettre de réfléchir. Le premier, c'est sorti dans une étude de l'INSEE, là, qui sort aujourd'hui, c'est que le revenu médian en France, il est de 1 580 euros. Ça veut dire que la moitié des Français gagnent 1 580 euros ou moins, et la moitié des Français gagnent 1 580 ou plus. Alors, chacun fera sa petite, disons, introspection personnelle avec sa feuille de paye, mais je crois que bon nombre sauront rapidement où ils se placent par rapport. Et ce genre d'information, je veux dire, c'est pas simplement un problème de chiffres ou simplement essayer de se tenir à une forme d'infrastructure qui révélerait une vérité, mais je crois que c'est le vrai fond du problème. C'est que nous avons, à un moment donné, été un petit peu en difficulté pour, disons, promouvoir notre discours, expliquer nos difficultés, quand il y avait, au fond, cette dimension-là qui était toujours comme une honte et une difficulté à assumer, qui était que nous savions tous que nous avions des revenus et une situation sociale au sens large qui ne ressemblait pas à la situation des Français en difficulté. Or, pourtant, nous étions censés porter un discours de Français en difficulté de défense du service public. Donc je crois que bon nombre d'universitaires ont eu du mal à assumer ces deux dimensions, une dimension qui, à mon avis, est tout à fait objective, de défense d'un service public, et en même temps, au fond, le savoir, le secret de famille, qui était que, socialement, nous n'étions peut-être pas forcément les mieux à même pour défendre ce discours, parce que nous n'étions pas tout simplement les plus menacés ou les plus directement menacés. C'est-à-dire qu'avant que ça devienne, disons, très dangereux pour nous, je parle pour les titulaires, bien entendu, eh bien, on savait tous très bien que de l'eau allait couler sur les ponts. Deuxième point, ça se corrèle évidemment avec, sans doute, une structure démographique qu'il faudrait regarder pour savoir qui sont à l'intérieur de la communauté universitaire ceux qui se sont le plus mobilisés, etc. Je pense que la structure d'âge parlerait d'elle-même. J'ai coutume de dire que à moins de 40 ans, on se demande si on pourra acheter son logement. À plus de 50, on s'intéresse à sa résidence secondaire. Et je crois que dans bon nombre de discussions avec les collègues, c'est quand même cette réalité que l'on a face à soi. C'est-à-dire qu'on voit très bien une forme de plafond de verre qui s'est installé à l'intérieur d'un même corps qui fait que nous n'avons plus exactement la même vie sociale. Et bien souvent, c'est corrélé aussi avec des logiques, d'accouplement, si j'ose dire, différents, où on ne trouve pas forcément des couples d'universitaires, ce qui fait qu'on peut découvrir aussi, par l'intermédiaire de son conjoint, des réalités sociologiques très différentes, qui fait qu'on peut avoir dans une université des gens qui sont quasiment dans la misère avec des conjoints et des enfants parce qu'un conjoint est au chômage, et puis d'autres qui ont une situation sociale plutôt favorisée par rapport au reste. Donc je crois que ce sont des dimensions... Je vais vite. Je sais très bien que ce n'est pas un discours scientifique construit, mais je pense que ce sont des dimensions qui sont extrêmement importantes. Alors, pour finir, moi, je dirais que ce qui nous a manqué le plus, c'est ma perception à moi, en 2008-2009, c'est justement une capacité à construire un discours qui dépasse l'université et les problèmes de l'université. Et je trouve que la grande absente de nos mobilisations, finalement, ça a quand même été la République. C'est-à-dire que s'il y a bien quelque chose qui, au fond, est attaqué directement par ce gouvernement, c'est ma conception à moi, c'est non pas l'idéal, mais c'est une réalité républicaine de notre pays. Et je crois que, finissant toujours par être renvoyé à la question du statut, d'ailleurs, il y aurait sans doute beaucoup à dire sur l'insistance médiatique permanente à nous demander notre avis sur le statut et ne jamais parler de la mastérisation, alors que dans bon nombre d'endroits, la mastérisation est un élément de mobilisation beaucoup plus fort que la question du statut. Eh bien, les journalistes ne voulaient pas en entendre parler, maintenant ça les intéresse, mais ça ne les intéressait pas, et c'était le statut, vous défendez votre statut, et à chaque fois nous étions renvoyés à la question du statut, qui évidemment pour nous était quelque chose d'extrêmement important, mais qui rapidement, grâce aux coupures, aux reportages en 1 minute 15, apparaissait comme, au fond, un discours de privilégié, parce que, vous savez, quand ça sort dans l'opinion, les 192 heures annuelles, je parle évidemment pour les enseignants chercheurs, 192 heures, ça suffit, il n'y a pas besoin du développement après sur le statut. Et 192 heures, moi, la plupart des gens que je connais dans le privé, quand on dit « qu'est-ce que tu fais ?»« Je suis enseignant dans le supérieur », ils disent « non, comme travail ». Oui, mais c'est pas uniquement une blague. C'est une réalité. Je parle de cadre, hein, de cadre sup, etc. C'est une réalité. C'est comme ça que nous sommes perçus. Donc je crois qu'il y a là, à mon avis, un travail de reconstruction phénoménal. Et je considère, pour ma part, que c'est effectivement par le prisme républicain et comme déclinaison le service public qui nous a beaucoup manqué. C'est-à-dire que, au fond, finalement, l'affaire du médiateur, normalement, qui serait pain béni pour nous, pour démontrer ce que c'est qu'une recherche adossé uniquement au privé, avec des logiques privées, etc., eh bien, nous sommes encore bien loin de l'utiliser pour expliquer, pour dire la politique du gouvernement en matière de recherche sans large, vous en avez une démonstration pratique avec le médiateur, avec les recherches nucléaires, etc. Eh bien, je crois que, tant que nous ne serons pas capables d'expliquer réellement et concrètement en quoi la production et la diffusion de savoir dans le cadre d'un service public est indispensable au pacte républicain, nous continuerons à énumérer nos défaites et nos gloires passées. Christian Topaloff, EHESS. Bon, mon propos va être plus limité que celui qu'on vient d'entendre. Ce que je voudrais simplement, c'est plutôt que de revenir sur nos échecs et nos gloires passées, dire de mon point de vue, qui est un point de vue d'acteur local, ce que nous avons appris depuis 2009, peut-être en quelques mots. La première chose, c'est que les politiques Sarkozy s'inscrivent dans une temporalité beaucoup plus large et dans un projet beaucoup plus vaste que celui que nous croyons au départ. Et je crois que Alain Trautmann, tout à l'heure, le pointait très honnêtement, je crois, en citant à nouveau le texte, des textes liminaires de SLR qui se situait, sans le savoir, dans cette idéologie dominante. Bologne, Bruxelles, ce sont des forces extrêmement puissantes qui sont dotées d'appareils, qui sont dotées d'une doctrine, qui sont dotées d'opérationnalité extrêmement efficace et qui, bien sûr, débordent infiniment la droite politique qui nous gouverne aujourd'hui et que nous haïssons tous. Ils ont des alliés partout. Donc ça, c'est la première chose que nous, on a découvert peu à peu, mais une fois qu'on en a pris conscience, ça rend évidemment les stratégies un peu plus problématiques. La deuxième chose, je crois, qu'on a apprise depuis 2009, c'est que cette politique de modernisation ressemble, c'est vrai, à une occupation d'un territoire conquis par une puissance étrangère, mais cette puissance étrangère, évidemment, a trouvé des collaborateurs. Et nous avons parmi nous, dans la communauté universitaire, des collaborateurs. Et bien sûr, ça rend problématique cette notion même de communauté, alors que nous avons besoin, ô combien, de construire sans arrêt des « nous » fictifs, réels, à la fois, bien sûr, qui permettent de se battre ensemble. Alors, les collaborateurs, il faut qu'on en parle, je pense, tranquillement, sans acrimonie à leur égard, mais sociologiquement, comme peut-être vous avez essayé de le faire à l'instant. Une partie des présidents de l'université, bien sûr. Mais pas seulement, il y a tous les Rastignacs de la réforme, ils sont nombreux. J'en parle d'autant plus à Monès que l'institution à laquelle j'appartiens en a produit un très grand nombre dans la dernière période. Comme vous l'avez peut-être remarqué, le HESS est en passe, a rempli, je crois, le rôle que Paris 4 jadis jouait dans les couloirs du ministère pour fournir le personnel de la collaboration. Mais ne soyons pas trop cruels envers ses collègues. Il y a aussi des gens qui misent réalistement dans la réforme. Bon, j'ai un souvenir très vif des discussions préalables aux états généraux à Paris, où on voyait de jeunes biologistes qui se battaient becs et ongles contre nous pour un ANR, n'est-ce pas, pour une ANR, etc. Et bon, peut-être ont-ils gagné quelque chose. Hein, voilà, ils vont directement à l'agence, leur patron cesse de leur empêcher d'avoir accès directement au financement, et maintenant ils ont des petites mains, que demander de mieux, etc. Donc, les collaborateurs, il y en a de toutes sortes. Et je pense aussi qu'il y a des aspects plus scientifiques aussi dans le goût de la modernisation. Je suis frappé que, sur un thème limité, hein, qui n'implique pas une adhésion totale à toute cette horreur, mais sur le thème de l'évaluation, il y a des disciplines entières, presque, ou des fractions de disciplines qui adhèrent, avec réserve parfois, en discutant sur les méthodologies. Je pense qu'il y a des contenus scientifiques là dans cette affaire. Les sciences cognitives qui font actuellement l'objet d'une promotion politique massive, je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu les résultats des différents appels d'offres sous ce rapport. Les sciences cognitives sont en tant que telles des alliés de toute cette affaire. Ne parlons pas du mainstream des économistes, d'une grande partie de la linguistique, en tout cas de la grammaire générative, de la géographie formalisée, etc., etc. On a parmi nous des gens qui sont nos collègues, avec lesquels on continue bien entendu à discuter, mais dont il faut aussi admettre que sur un certain nombre de terrains, ils sont nos adversaires, ça ne doit pas être caché. L'autre chose, je vais essayer de ne pas être trop long, une autre chose qu'on a apprise, c'est que bon, cette politique ne fonctionne, et là je ne parle pas des collaborateurs, je parle de presque tout le monde, ne fonctionne que si elle gagne l'acceptation de fait d'un très très grand nombre de collègues. Tous ceux qui peuplent les comités de visite de l'ARS, tous ceux qui sont candidats à des contrats ANR. J'ai un contrat ANR, je fais donc partie de ces acceptants passifs. Tous ceux qui ont été candidats à l'ABEX, enfin bon, toute cette mobilisation de l'été dernier, hein, bien sûr. Tous les candidats à la prime d'excellence scientifique, etc. La plupart des collègues qui se lancent dans ces aventures ne croient pas à la politique générale qui préside à ces dispositifs. Et cependant, ils sont réalistes et ils y vont. Et donc, dans leur fort intérieur, ils sont en colère, je crois, une grande partie d'entre eux. Et puis, dans les faits, on est conduit à renoncer. C'est l'impuissance devant l'inévitable, en quelque sorte. Et c'est sur cette notion d'inévitable que je voudrais terminer en disant un mot. Comme la question qui nous est posée, me semble-t-il, c'est comment changer l'inévitabilité de cette réforme qui marche. Je dois dire que, bon, je ne suis pas un stratège qui attendait Grouchy et n'a vu que Blücher. Je ne sais pas s'il y aura une grève en décembre prochain. Ce que je sais, c'est que désormais, toutes les batailles sont localisées. Tout le système est fait, bien entendu, pour faire que c'est désormais dans les établissements que l'essentiel se passe. Les quelques batailles qu'on a pu gagner, et dans la période récente, hein, dans la période de mise en œuvre, par exemple, je crois le splendide comportement des collègues du CNRS qui, dans leur ensemble, ne demandent pas la PES, c'est justement parce qu'il y a un dispositif centralisé qui leur permet de centraliser en quelque sorte aussi leur action. Donc, comment faire pour que cette inévitabilité soit mise en cause? Voilà le problème que j'aimerais poser. Il y a la résistance pied à pied, il y a la dénonciation. Bon, dans ce séminaire, c'est ce qu'on essaye de faire à une échelle bon, un peu dérisoire, mais il y en a de nombreux autres, je pense, sur le territoire de notre pays qui continuent à collectiviser la pensée. Résister, dénoncer sans relâche les effets de cette politique catastrophique d'asservissement. Et puis, aussi peut-être réouvrir l'avenir. Et là, je pense qu'il faut, il faut qu'on parle de la gauche et de l'élection présidentielle. Hein. Moi, je ne suis pas pour mettre la politique au premier plan. Hein. C'est nos batailles collectives, indépendamment des opinions politiques qui peuvent changer les choses. Mais néanmoins, il y a cette échéance. Il faut qu'on y réfléchisse. Et si on ne voit pas l'année de 2012 et la suite comme une possibilité de reconstruction, parce que c'est quand même le problème qui se pose, hein, je veux dire, le mal est en cours, la destruction de pans entiers de notre dispositif est en train de se faire. Je ne sais pas si le grand emprunt un jour donnera des sous à tous ces équipex et labex fictifs, mais bon, le mal est là. Comment va-t-on reconstruire? C'est ça la question maintenant. Comment va-t-on sortir des ruines pour reconstruire la recherche et l'enseignement supérieur en France? Et ça, c'est une question politique. Et je crois qu'il serait raisonnable d'essayer de peser sur les forces politiques de gauche. Rien ne m'assure personnellement qu'au sein du Parti socialiste, il n'y a pas des forces puissantes qui continuent à aller dans le même sens. Je ne sais pas ce que pensent les Verts, je ne sais pas trop ce que pense le Front de gauche. Il faut peser sur leur point de vue, il faut aider à leur succès, et ensuite il faut leur imposer une politique qui soit saine si jamais la gauche l'emporte. Alors, pardonnez-moi de déplacer un tout petit peu la discussion vers un terrain bon, qui ne nous est pas normal, je dirais, dans instances universitaires, mais enfin bon, si la droite repasse en 2012, qu'est-ce que vous voulez qu'on rêve? Donc, il faut que la gauche passe, et il faut que ce soit une vraie gauche, au moins sur nos sujets. Ça sera encore mieux si c'était une vraie gauche sur le reste. Je pense que dans l'exercice auquel on nous avait demandé de nous livrer aujourd'hui, oui, qui était celui de savoir pourquoi les associations, les collectifs se sont constitués, comment ça s'est fait, quel était le rapport avec les formes possibles d'engagement, la question que vous posez là était présente. C'est-à-dire que moi, je crois vraiment que c'est la victoire de Sarkozy qui a poussé à un réinvestissement politique par un certain nombre de personnes, minoritaires certes, enfin, un nombre, hein, qui avaient envie de construire quelque chose de collectif, qu'ils ne voyaient peut-être pas nécessairement comment construire dans un syndicat ou dans un parti politique, et qui donc inventaient des petits machins. Donc de ce point de vue-là, et c'est lui, c'est un de ces petits machins inventés pour ça. Mais ça a à voir avec ça, ça a à voir avec ça. Alors, je pense que effectivement, on peut... Enfin, je rappellerai quand même quelque chose que je rappelais tout à l'heure, c'est en aparté, c'est qu'au sein de ce séminaire, quelqu'un est venu dire que lui parlait déjà au PS, et qu'il parlait même si bien au PS que le discours de la secrétaire nationale du PS dans le bouquin qu'elle vient de sortir est entièrement inspiré de ce que ce monsieur a produit, et ce monsieur, c'est la personne qui inspire les refondateurs. Donc, si c'est ça le programme du PS pour la réforme de l'université après 2012, eh bien, j'ai peur. Voilà. Oui, moi, je voulais dire, plusieurs d'entre vous ont posé le problème de l'élargissement, et je trouve que Christian, il a raison. Pour moi, la question de l'élargissement, c'est avant tout une question politique. Syndicalement, hein, quand on mène une lutte, quand on pose le problème de l'élargissement de la lutte, c'est qu'on a perdu. Moi, j'ai pas d'exemple dans mon expérience militante d'un élargissement où l'on gagne. Et pour moi, l'élargissement ne peut être opéré que par des organisations politiques. On est là dans la limite de ce que peut faire à la fois un syndicat ou un collectif, qui sont limités parce qu'ils ne représentent que des catégories de personnel et qui ne sont pas habilités. Alors, on peut essayer de faire l'appel des appels, la coordination, etc., etc. Je pense que c'est la seule possibilité qu'on a actuellement dans l'état politique de la France, quoi. Mais moi, je voudrais attirer l'attention, parce que avant d'élargir à d'autres... d'autres secteurs, il y a aussi comment on fait l'unité des personnels dans le secteur où on travaille. Et là, moi, je pense que bien souvent, on n'a pas assez réfléchi à ça. Moi, je voudrais donner un exemple. enfin moi, en tout cas auquel je sur lequel j'ai pas de réponse et qui me tracasse beaucoup en ce moment, c'est la lutte des personnels de cantine de l'école normale supérieure. Donc t'as un pied au CNRS, un demi à l'EHESS et un autre demi à l'ENS, donc tu le connais aussi bien que moi, ce problème. Je ne sais pas si vous le connaissez tous. Donc les élèves de l'ENS, pendant la réforme de la retraite, se sont demandé qu'est-ce qu'ils pouvaient faire d'autre que... Enfin, quelque chose qui les motiverait davantage que de se battre pour les retraites. Et justement, se sont posé la question de qu'est-ce qu'on peut faire à l'ENS. Et ils sont allés discuter avec les personnels de cantine. Et ils ont découvert l'ampleur de la précarité. Donc, on a un exemple d'élèves qui se sont fortement mobilisés pour mener une lutte. Ils tiennent la grève à bout de bras, puisque c'est eux qui organisent la caisse de grève et qui permettent donc aux grévistes de continuer. Cela dit, ça fait plus de 100 jours que les personnels sont en grève et il n'y a pas grand-chose qui a été acquis. Pourquoi ? D'abord, moi, je pense que si les enseignants sont prêts à donner une partie de leur salaire pour soutenir la grève, ils ne font rien d'autre. C'est-à-dire qu'ils ne sont absolument pas prêts, ils n'ont pas du tout réfléchi à la question. Actuellement, on a une politique de restriction des nombres de fonctionnaires. Il va falloir faire des choix. Alors, est-ce qu'on se bat pour augmenter l'ensemble du nombre de fonctionnaires? Et à ce moment-là, on peut permettre au personnel de cantine, au personnel d'accueil, enfin au personnel ouvrier et employé de nos établissements d'accéder au statut de titulaire, ou bien on accepte la situation actuelle et on réserve le statut de titulaire aux enseignants-chercheurs. Moi, je pense que le manque de soutien des enseignants-chercheurs, c'est uniquement parce qu'ils craignent, dans le contexte de restriction du nombre d'emplois de fonctionnaires, ils craignent que s'ils se battent pour plus d'emplois, enfin, pour la titularisation des précaires, eux-mêmes n'obtiendront pas de postes supplémentaires pour les enseignants. C'est en tout cas, la direction de l'ENS a fait un choix très clair, qui est celle de l'externalisation. Et si le conflit dure, c'est parce qu'ils veulent supprimer toute une série de services. Et donc, ils sacrifient pour ça une partie des personnels qui sont en place dans l'ENS. Moi, je pense que les enseignants-chercheurs, s'ils veulent réussir leur lutte, il faut qu'ils arrivent à faire, enfin, je ne sais pas comment on peut dire, la jonction. C'est facile de dire comme on fait les élèves, on va aller voir ce qui se passe chez Total. Total est en lutte, allons les soutenir, etc. C'est facile, ils sont à l'extérieur. Mais souvent, on ne va pas voir la situation concrète des personnels là où on travaille. Donc voilà, moi, je pense que c'est un problème qu'il faudrait débattre. Moi, je suis Pascale Dubu et je suis historienne de l'art, mais je suis un peu historienne. Et donc, j'aimerais quand même dire à Jérôme que, sa présentation des CNU me paraît quand même un peu louche, avec une interruption au printemps pour lui, mais pas pour les autres. Je veux dire... Les CNU, je crois qu'il y en a dû avoir 12 ou 13, et elles ont dû s'arrêter en octobre, quelque chose comme ça. Après, c'était vraiment catastrophique, et on en a fait une dernière en janvier 2010. Tu t'en souviens ? Non, mais ça, effectivement, alors maintenant, tu as raison, mais vous l'avez su plus tôt que nous, je veux dire, en sciences politiques, que c'était plié. Parce que nous, les collègues ne voulaient pas entendre que c'était plié, et on a commencé à entendre que c'était plié. Excusez-moi, c'est juste un détail, mais au moment, effectivement, où la loi est parue. Donc, non, mais c'est juste parce que, quand même, je voulais rappeler ça. Et je vous rappelais aussi que, puisque madame, on parlait tout à l'heure de la pétition et des questions des relations qu'on peut avoir avec le politique, la question de fond, c'est la question des moyens d'action. Or, en réalité, le fait, on l'a tous compris, le fait de ne pas faire cours n'a eu aucun impact. C'est-à-dire, le fait d'être en grève n'a pas eu d'impact. Donc, la seule chose qu'on aurait pu faire, c'est de ne pas faire passer les examens. Alors ça, on n'en a pas parlé ici, mais c'est visiblement, ça a posé un problème de fond. Le vrai, qu'est-ce qu'on a comme moyen d'action quand on est enseignant, chercheur? Donc, non, mais ça pose un... On a jamais manifesté tous les jours. On a manifesté toutes les semaines. Toutes les semaines. Mais on a manifesté une fois par semaine, trouvait que c'était trop. Mais nous, on a manifesté toutes les semaines à Paris. C'était grâce au syndicat, d'ailleurs, hein, parce qu'autrement, on n'aurait pas pu. C'était pas tous les jours. On n'aurait pas pu. Non, mais c'est juste un détail historique. Donc, la question des examens, elle se pose quand même, elle a quand même posée réellement. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, quand même, on n'a pas pu ne pas faire passer les examens. Donc, on n'a pas pu aller jusqu'au bout. Enfin, j'ai plein de collègues qui le pensent, ça. Hein. Donc, on a raté quelque chose, là, à cet endroit-là. Et en matière de moyens d'action, je voulais simplement... présenter ici une idée qu'on a développée avec d'autres amis, mais on n'est pas passé à l'acte. On s'était dit qu'on pourrait peut-être faire un texte pour demander donc aux partis de gauche, ou leur dire plutôt qu'on était tous de gauche, mais qu'on leur donnerait nos voix, si et seulement si ils s'occupaient sérieusement de nos institutions, c'est-à-dire de l'université et du CNRS. Alors voilà, nous on avait pensé à l'envers, c'est-à-dire qu'on n'avait pas pensé, on avait pensé plutôt leur dire on votera pour vous si. Et seulement si vous vous occupez de nous. Alors bon, pour le moment, oui, mais enfin... C'était l'idée de faire les choses à l'envers. On ne l'a pas encore fait, mais bon, c'est peut-être pas une absurdité que de, au moins, disons, de développer au moins, effectivement, des choses qu'on souhaiterait voir, par exemple, transformer, et de demander expressément au parti de gauche de s'engager là-dessus. Alors, j'ai pas écrit le texte, hein, donc voilà. Mais je disais simplement qu'on en avait un peu parlé et que ça pourrait se faire, me semble-t-il. Voilà. Donc voilà. Donc c'était juste quelques remarques comme ça sur l'histoire des CNU et surtout la question de fond qui est la question des moyens d'action. De façon là, en effet, ils n'auraient jamais cédé. Ça, de toute façon, quoi qu'on ait fait, je pense. Hein. Anne-Lise Neff, Université de Paris 4, donc celle qui a été remplacée avantageusement par le HESS. J'en suis ravie. Enfin, je crois qu'on a quand même un petit peu contribué. Mais bon. Non, alors, je voudrais quand même revenir sur cette idée qu'on aurait perdu en février, que certains l'auraient vu, d'autres pas. Enfin, ça me paraît un peu surréaliste, quoi. Je crois qu'il faut quand même analyser la situation dans laquelle on était. On était une profession... probablement une des professions qui risque le moins à faire grève et à s'opposer. Commençons par là, parce qu'il faut quand même le rappeler. On est une des professions qui a des capacités d'analyse, je pense qu'au-delà des politistes et des sociologues, hein, je suis désolée pour Jérôme, mais on est quand même capable d'analyser le monde, ce qui ne veut pas dire que tous les collègues portent une analyse du monde, on est bien d'accord, mais je ne crois pas que c'est une question de discipline, il ne faut quand même pas rigoler. Et troisièmement, il me semble que ce qui nous a manqué en réalité, c'est une stratégie politique, sûrement par inexpérience. C'était difficile d'inventer tous les jours. Mais quand Christophe dit « nous n'avons pas manifesté tous les jours », effectivement, il y a un problème. C'est-à-dire que ceux qui étaient réellement mobilisés ne voyaient pas tous leurs collègues tous les jours sur leur lieu de travail. Si vous avez une grève dans une entreprise, une grève de plusieurs mois, je suis désolée, les gens ne vont pas se promener, ne vont pas à la plage, ne vont pas faire des trucs pendant que les autres... Enfin, on était quand même dans une situation qui était assez paradoxale. Et la faible syndicalisation n'expliquera jamais ça. Il n'y a pas une plus faible syndicalisation dans l'ESR qu'ailleurs. Ce n'est pas vrai. En termes de pourcentage, c'est environ 10% pour ce qui concerne le SNESUP. Donc, si on met ce qu'il y a avec, autour, c'est forcément plus. Ce n'est pas si faible que ça. Donc, c'est trop faible, on est bien d'accord. Non, mais si c'est ça la question, c'est trop faible. Mais ce n'est pas faible proportionnellement par rapport au reste de la population. Donc, il faut aussi comparer ce qui est comparable. Donc, il me semble que ça, ce sont pas de bons arguments. Moi, à mon avis, ce qui a manqué, c'est effectivement une ligne politique, mais cette ligne politique, elle n'a pas manqué seulement aux universitaires, à la CNU. Hein. Elle a manqué, je suis désolée, mais aux syndicats. Je suis syndiquée aussi, je le dis tranquillement. Et elle n'était pas, d'une certaine manière, l'objectif premier des associations, de définir une ligne politique, mais plutôt de réagir au coup par coup, etc. Bon. Manque de ligne politique, manque de stratégie politique, je veux dire... On cherche encore pourquoi on s'est planté. Moi, je crois que c'est clair. Mais si on ne fait pas l'analyse de ça, si on ne fait pas effectivement l'analyse des moyens, etc., on ne s'en sortira jamais. Je pense que l'idée de dire en février, il y avait certains qui savaient et certains qui ne savaient pas, ne répond pas à la question. Oui, pas. Bon, je pense pas que la question de la négociation en mars avec le gouvernement est une question centrale. Non, mais d'accord. En revanche, là où je suis pas du tout d'accord avec toi, c'est sur la question de la compétence. Enfin, là-dessus, je vais enfoncer le clou si c'est nécessaire. Mais malheureusement, le fait d'avoir fait des études supérieures d'astrophysique et d'avoir fait 20 ans d'astrophysique ne donne pas de moyens particuliers pour analyser la société. Ou alors, j'envoie des fusées sur la Lune demain. Et c'est quelque chose de très difficile à faire. Attends, laisse-moi parler. Laisse-moi terminer. C'est quelque chose de très difficile à faire entendre à des enseignants-chercheurs qui sont des profs dans leur matière et qui sont dans une position d'autorité intellectuelle habituellement. Et c'est très difficile de leur faire entendre que leur capacité d'analyse de la société est faible quand ils n'ont pas été formés par les sciences sociales qui représentent environ 5000 enseignants-chercheurs sur les 60 000. C'est pas la seule école, les sciences sociales. C'en est une. Excuse-moi, c'en est une. On peut apprendre à analyser la société dans la syndicalisation, dans les partis, mais le problème sur la vie politique, c'est que tous les citoyens ont l'impression d'avoir une capacité d'analyse. Ce que nous apprennent les sciences sociales, c'est que c'est faux. Et moi, je suis désolé là-dessus. Voilà. Alors, c'est très difficile à faire comprendre, y compris à l'intérieur des syndicats. Et c'est aussi très difficile d'ailleurs à faire comprendre, et ça c'est quelque chose dont on n'a pas parlé, je voulais en parler avec Christian avant qu'il s'en aille, c'est celui des rapports entre les sciences de la matière et les sciences humaines et sociales en particulier. En particulier, je pense qu'un des groupes, un des problèmes qui est celui de la liberté universitaire qui se pose sur le statut des enseignants-chercheurs se pose de manière particulièrement cruciale sur les sciences humaines et sociales. On pourra toujours me dire que la recherche en biochimie, en écologie, etc. a des enjeux de liberté et de dépendance aux politiques. Ils n'ont aucune commune mesure avec ces enjeux-là lorsqu'on fait de la sociologie, de l'histoire, de la science politique, de la sociologie du droit, de la philosophie. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on n'est absolument pas arrivé à faire émerger pendant le mouvement de 2009 et qu'on ne parvient pas à faire émerger dans les syndicats chaque fois parce qu'on se heurte à l'idée de l'unité et à la difficulté des collègues qui ne sont pas formés dans ces matières à comprendre la spécificité de ces matières-là. Il y aurait beaucoup de thèmes d'intervention. Moi, je suis sociologue et je travaille sur les métiers. Et les citoyennetés aussi. Et je suis membre de syndicat SNCS, j'étais au début des luttes. La question que je voulais un peu discuter, c'est les plateformes. Elles ne sont pas homogènes, elles sont plus ou moins convergentes, même s'il y a des sympathies, des croisements et des filiations dans les collectifs, ça c'est très clair là. Mais je voudrais un peu revoir deux, trois plateformes, parce que la plateforme de Sauver la recherche, au début, c'était la transformation des métiers, la mise sous contrat, et la précarité des jeunes équipes. Le prototype, c'était l'INSERM avec le directeur de l'époque. Des équipes pour 2 ans, on révise les objectifs. Certains sont statutaires, mais les jeunes impétrants, ils sont CDD, quoi. Donc, c'était une attaque de front dans toutes les générations et un avenir du métier au profil bas, noir. Donc, concrètement, ça n'avait pas le coup de s'engager dans la recherche avec Bac plus 7, Bac plus 8, après les masters maintenant. Donc, le thème central de SLR, c'était un plan contre la précarité, j'ose pas dire un plan d'intégration. Ça s'est transformé, après Grenoble, un plan pluriannuel de recrutement, qui est après abondé par le milliard EDF. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est un bilan d'étape, que les postes sont maintenus au CNRS, ou est-ce qu'ils ont diminué? Après, on s'est battu contre la règle fonction publique, 1/2 remplacement à la retraite, et on a obtenu remplacement à 80 ou 100%. Donc cette lutte sur la précarité, est-ce que c'est encore l'objectif? C'est pas réaffirmé, là. Il y a eu des manifestations en janvier par rapport au plan tronc qui vont titulariser certains, 100 000 sur 800 000. Les syndicats ont pris leur distance. SLR, je ne sais pas où il en est là-dessus, il a accompagné en partie. Et après, on a eu la bataille de l'ENS. Donc c'est une série de micro-conflits. On gagne certaines choses, on maintient, on limite la casse. Mais je voudrais mettre en perspective pour ma génération, 75, un gouvernement de droite aussi, sur une politique libérale financière, Raymond Barre, mais pas Sarkozy, accepte pour des degrés un plan d'intégration avec la règle, vous avez fait 3 ans ou 5 ans de contrat, vous avez le droit à une titularisation. Donc il y avait un intérêt même pour certaines îles de droite. On n'a pas cette règle-là aujourd'hui, je ne sais pas si on peut de l'avoir, donc on a une succession de luttes petit à petit. Donc on peut pas dire qu'on n'a pas lutté contre la précarité, mais on a des résultats partiels. Il faudrait faire, ce syndicat de le faire, un bilan d'étape, quoi. Mais la situation me paraît pire aujourd'hui. Je ne suis pas clair, même en tant que syndicaliste, après ce qui s'est passé en janvier, entre résistance au plan Tronc, qui a un objectif électoral, mais qui, d'un point de vue de droite, admettrait une certaine intégration dans un horizon néolibéral, quoi. On est trouble. Et la lutte de l'ANS, pour moi, personnellement, ne clarifie pas la visibilité, même si elle est juste et elle est multiple, parce qu'à l'époque, c'était les personnels de la bibliothèque, quoi. Donc il y a un trouble. Je ne sais pas où est-ce. Donc la question est trottement là-dessus. Est-ce que c'est un objectif, plan d'intégration ou pas? Qu'on ait un gouvernement de droite ou de gauche. Hein. Maintenant, notre partenaire de lutte, nous, en tant que chercheurs, c'est aussi les gens de l'université, donc SLU. Pour aller vite, au niveau plateforme, on converge, collégialité et autres, et je pourrais développer plus, il y a des retentissements UNESCO, mais vu que les luttes sont locales, vu que la politique, c'est les campus, master, on mobilise sur l'enseignement, l'orientation, etc., la tutorisation, plus le couplage avec les entreprises pour la taxe recherche, la taxe sur les salaires et autres, des perspectives de lutte très différentes. Je n'ai pas de panorama en tête, j'ai une vision très très éclatée. Je sais que certaines facs résistent, mais je ne sais pas si 10 individus ou c'est toute la fac dans son ensemble derrière son conseil scientifique. Est-ce que c'est Clermont, Paris 8 et autres? Je sais qu'en regardant les budgets du campus, justement, de remise en état des locaux, qui va décider du futur après en termes d'espace, c'est les universités du centre qui sont gagnantes. Les universités du centre jouent le jeu de la gouvernance. Former les élus demain, attirer des élus étrangères, on va les former, on va les payer, on aura des taxes en plus. L'idée de république, de public, est toujours là, mais elle passe derrière. L'objectif, c'est gouvernance d'abord, et on forme les élus de la gouvernance, avec les cadres intermédiaires aussi. Tout le monde ne sera pas gagnant. Donc, les élus du centre, les universités du centre sont dans le jeu de la gouvernance. Je pense à Sciences Po, mais les autres, Paris 5 suit, Paris 4 va suivre. Mais en région parisienne, vous avez 30 à 40 universités. Donc vous avez les universités de grande périphérie, Saint-Quentin, Cergy et autres, qui ont leur légitimité en termes de public, qui sont même des publics plus populaires, mais avec beaucoup moins de moyens. On pourrait dire, puisqu'elles sont plus externalisées, elles vont résister plus. Mais en voyant certains échos, elles sont encore plus dans la main du ministère, soit pour faire sa clé, par exemple, les IDEX et la BEX, soit je lisais un entretien dans le journal très quotidien, gratuit, là, le président de Cergy. Nous utilisons les crédits alors, je sais pas, du plan de relance pour faire une nouvelle filière qui formera à l'étranger, quoi. Donc, j'ai un panorama très double. Certains résistent et gardent les objectifs habituels des différents syndicats, genre une ligne publique, pour, tu dirais républicaine, quoi. Mais les autres sautent. Elles sont dans le jeu de la gouvernance ou le jeu de la tutélisation du ministère. Moi, j'ai besoin du panorama parce que nous, dans le futur de recherche, pour stabiliser un labo, la fac doit être stable dans ses objectifs de connaissance et dans ses objectifs publics. Sinon, on peut rester dans un laboratoire, mais si on est dans le jeu de la gouvernance, il faut faire du contrat européen, ANR, et ce sera l'auto-justification et les arguments de la méritocratie interne. Donc, on a besoin de cette plateforme-là, quoi. Voilà mes questions d'aujourd'hui, quoi. Si, en aparté, nous SNCS, on a fait une plateforme revendicative qui vaut ce qu'elle vaut. Sur les structures pour le CNRS, on peut stabiliser les choses en termes de réforme. Vous supprimez l'ANR, vous triplez leur crédit sur les laboratoires, vous stabilisez l'équipe de recherche, quoi. Par contre, sur les métiers, défendre le métier fonctionnaire ne fait pas logique revendicative, fait une logique de défense, mais au nom de la logique fonctionnaire, vous pouvez subir toutes les réformes néolibérales, management des connaissances, style France Télécom. Ce n'est pas un argument de revendication, c'est justement un argument de résistance sur le passé, quoi. Statut, quoi. Ah, je suis anthropologue, mais je le dis bizarrement parce que je voudrais intervenir brièvement pour défendre justement les collègues dans les sciences dites dures. Et je trouve que la première chose à affirmer, c'est que si on appartient à une soi-disant science sociale, quand on est dans un département d'anthropologie, on voit que ce sont toujours les départements les moins bien organisés qui sont les moins capables de s'organiser et de s'analyser parmi tous les départements que j'ai jamais vus dans toutes les disciplines. Donc, d'abord. Ensuite, je dois dire que ceux qui m'ont confortée dans ma lutte, disons à un niveau très très bas qui était le mien, ont été par exemple des mathématiciens, des physiciens, des gens qui appartenaient parfois à même quelqu'un qui fait de l'art japonais du Moyen-Âge, quelqu'un qui s'occupe de tissus etc. Donc, je pense qu'en réalité, ce qui compte, même si effectivement il est probable qu'on doit avoir de l'apport de gens qui ont fait des études spécifiques, mais ce qui compte d'abord est une sorte de conscience morale, c'est une sorte de se rendre compte très vite quand quelqu'un parle qu'il est un hypocrite, un menteur et quelqu'un d'intéressé. Et ensuite, on passera pour le reste. Et je rappelle aussi que les merveilleuses sciences sociales nous ont donné, pour ne pas parler de la littérature, nous ont donné les merveilleux Derrida, Heideggerien, nous ont donné les encore plus merveilleux Mao. Je suis japonisante, donc je sais aussi de quoi on parle. Donc voilà pourquoi je pense que les bases sont autres. Oui, j'aimerais faire un peu écho à ce que tu viens de dire. Donc, bon, d'abord, je ne vais pas parler au nom de SLR, parce que je ne suis plus rien dans SLR, je ne suis même pas au conseil d'administration, donc bon, je garde des liens avec mes collègues là-bas, et je pense une sensibilité assez proche, mais je ne parle certainement pas au nom de SLR. Sur la lutte contre la précarité, j'aimerais quand même rappeler, parce qu'on a beaucoup dit qu'on est allé d'échec en échec, que quand même en 2004, on a récupéré 3500 postes qui n'étaient pas exactement un échec. Tous les jeunes que je connais et qui ont eu ces postes, pour eux, c'est quelque chose d'assez concret. Deuxièmement, je pense qu'en 2003, pour le gouvernement, le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche était un secteur dans lequel on pouvait sabrer sans problème, comme les autres secteurs de la fonction publique. Et si maintenant on est un peu mieux traité, c'est aussi à cause de ces luttes qui ne sont donc pas que des échecs. Donc je pense que l'expression que tu as utilisée, limiter la casse, me paraît une description assez correcte et qui est, c'est déjà ça. Alors maintenant, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Ben, on en est en ce qui concerne les postes, à cette casse qui est moindre. Mais ceci dit, il y a d'autres problèmes. Entre-temps, par exemple, il y a 3 ans encore, il était question, on entendait parler du démantèlement du CNRS, et je pense que c'était effectivement dans les tuyaux. Les luttes qui ont eu lieu à ce moment-là contre le démantèlement du CNRS, là encore, ont eu un certain succès, c'est-à-dire que maintenant, il n'en est plus question. Le gouvernement ayant opté pour une autre stratégie, puisqu'elle a renoncé à celle-là, c'est l'étouffement. Et donc, il faut constater objectivement ce qui... C'est-à-dire que, pour l'instant, la façon pour le gouvernement de s'attaquer aux organismes de recherche, c'est premièrement de réduire leurs moyens financiers propres de façon à les empêcher d'avoir une politique scientifique. Deuxièmement, de créer des superstructures qui vont prendre les décisions à leur place. Alors, c'est les alliances, c'est les IDEX, etc. Troisièmement, c'est la non-prise en compte aussi des avis des structures collégiales comme les conseils scientifiques. Régulièrement, par exemple, à l'INSERM, on a vu dans le même mois, très récemment, le conseil scientifique unanime de l'INSERM, y compris avec les nommés, par qui on sait, qui vote contre le contrat d'objectif sans moyens de la direction. Et puis, la semaine suivante, le président, le PDG de l'INSERM, puisque c'est ça son titre, qui fait voter ce texte par son conseil d'administration. Donc, il s'assied complètement sur l'avis unanime du CS. Donc, le CS peut toujours continuer à exister. De toute façon, on s'en fout de ce qu'il dit. Donc, ça, c'est la stratégie actuelle du gouvernement, qui pose, et je pense que maintenant, quelles sont les luttes qui paraissent importantes, je ne sais pas pour SLR, mais en tout cas pour moi, c'est qu'il y a une vraie attaque sur l'organisation des structures de recherche et donc sur la liberté de la recherche, qui, contrairement à ce que tu dis, Jérôme, je suis un peu agacé par ce que tu as dit, de faire un espèce de quantitatif. Les problèmes de liberté se posent beaucoup plus en SHS que dans les autres. J'étais agacé parce que je te dis, moi, que ça se pose pour tout le monde, qualitativement, de façon différente, et ça ne sert à rien de dire, nous, on est dans une situation pire que la vôtre. C'est simplement pas le même problème. Moi, je peux te dire que pour les biologistes, une question que tu ne connais pas, alors, je ne suis pas sociologue, mais je vais t'expliquer. Dans le domaine de la biologie, c'est très évident actuellement qu'il y a une espèce d'accord entre le gouvernement et les big pharma, les grandes entreprises pharmaceutiques, qui sont d'accord sur énormément de choses. C'est le syndicat de ces big pharma qui fait des textes qui sont repris ensuite par l'INSERM, par exemple, par la direction de l'INSERM, et cette vision-là est en train de s'imposer à nous. Et nous, les biologistes, on a énormément de difficultés à résister à cette influence du type de recherche qu'on veut nous faire, par exemple, en réduisant la biologie à ce qui est médical, c'est-à-dire en sacrifiant de grands aspects de la biologie fondamentale. Et c'est donc notre liberté à nous aussi est menacée de façon différente de la vôtre. Je ne dis pas que c'est pire pour nous, mais simplement c'est une autre atteinte à la liberté qui est également grave, avec d'autres conséquences. Chez nous, une des conséquences, c'est l'affaire Mediator, qui ne se pose pas chez vous. Je ne dis pas que c'est pire pour nous. Je dis simplement, je te mets en garde, compare pas quantitativement des choses qui n'ont pas à être comparées quantitativement. C'est des différences qualitatives. Et la question de la liberté de la recherche se pose dans tous les secteurs et se pose de plus en plus. Et ça fait partie, pour moi, des choses sur quoi, contre quoi il faut qu'on lutte, enfin les atteintes à cette liberté. Je ne sais pas très bien sous quelle forme, et qu'on lutte tous, et chacun, dans son secteur, avec la façon dont on est capable. Moi, je serais incapable d'analyser comment ces atteintes sont graves dans ton domaine, parce que je ne le connais pas, donc je n'en dirai rien. Mais chacun dans son secteur, il faut qu'on analyse ces atteintes et les conséquences, et qu'on se batte la contre, parce que je pense que c'est effectivement une des questions d'actualité aujourd'hui. Je donne pas de solution, mais je pense que ça fait partie des... Et ceci dit, et je terminerai là-dessus, la question de la précarité, j'ai dit qu'on avait eu un certain nombre de succès, au moins pour limiter la casse, mais ça, c'est pas une lutte qui est terminée, parce que ça continue. Je veux dire, c'est quand même une tendance très lourde d'augmentation de la précarité. Il n'est pas question de dire, dans ce domaine-là, on a eu des succès, donc on peut passer à autre chose. Sur ce point-là, on ne peut pas passer à autre chose. Il faut qu'on maintienne notre résistance, absolument. Juste deux petites réponses à ce que vous disiez sur SLU. Alors, SLU n'a pas de doctrine, n'a pas de plan quinquennal sur ce qui sera majoritaire pour nous, ce qui sera le plus important dans les prochaines années. On essaye de faire vivre ensemble plusieurs fronts, ce qui n'est pas toujours simple. Hein. Par exemple, une des choses qui est évidente si on fait une analyse quantitative des textes de SLU, c'est que depuis 2 ans, nous sommes beaucoup intervenus sur un dossier qui était la mastérisation. Mais ce dossier n'est pas un dossier purement technique, c'est un dossier essentiel. C'est-à-dire que, pour revenir à ce que disait tout à l'heure Christophe, il y a eu un point sur lequel la question de la République a été posée, c'était justement, et très clairement, je me rappelle la magnifique banderole de Paris 1 sur, en gros, vous tuez l'école de la République. Bon, donc ça a été posé, ça n'a pas été entendu. C'est-à-dire que là, il y a un vrai problème de ce point de vue-là, à mon avis, d'affaiblissement global de la réactivité de l'opinion de gauche à des choses qui automatiquement auraient suscité, il y a 20 ans, des réactions collectives. Hein. Pensez à la façon dont l'attaque sur la loi Falloux par quelqu'un qui n'était quand même pas un foudre de guerre a réussi à mettre 1 million de personnes dans la rue. Pourquoi, 15 ans après, ce truc-là, qui est un truc évident, qui était visible pour tout le monde, hein, ça n'a pas marché. Alors, moi, je ne crois pas simplement à la mauvaise foi des gens à qui on en parlait, hein, les journalistes qui n'ont pas compris. Et puis, ce n'est pas simplement une question de mauvaise foi. Ce n'est pas des valets du sarkozisme. Là, il y a eu, pour certains peut-être, mais pas tous, mais je crois aussi que là, il y a quelque chose qui s'est passé dans la société. Il y a une attention à certains problèmes qui n'est plus la même. Bon. Sur la question de la précarité, moi, je voudrais quand même dire une chose. Je ne suis pas là pour défendre les syndicats, mais les syndicats ont mis l'accent en intersyndical l'année dernière sur ces questions-là. Il y a un petit livre qui vient de sortir dans la collection Raison d'agir au Seuil ces jours-ci. Voilà, sur cette question. Ah bah, tu voulais le dire, Anne, excuse-moi. Et je pense, alors là, pour le coup, que s'il y a un point sur lequel quelque chose peut repartir, ça ne sera pas le CNU, là-dessus, comme je te disais, Jérôme, tout à l'heure, ça sera la RGPP. Ça sera la RGPP. Et quand la RGPP va tout d'un coup devenir quelque chose d'effectif et d'actif. C'est-à-dire pour le moment, c'est un nom. Pour le moment, ça suscite quelques réactions. Et puis là, maintenant, c'est en train de devenir autre chose. C'est en train de devenir autre chose, y compris parce que va se faire la jonction entre la nouvelle réalité de l'université comme opérateur et contractualisant et recruteur de personnes, et puis la RGPP. Et là, je crois vraiment qu'il va y avoir jonction entre la question de la précarité comme question massive et puis la RGPP. Ça, c'est une bombe possible. Bon. Et là-dessus, il y a des vraies positions politiques, il y a un vrai programme à avoir. Et puis, c'est tout. Et puis, il ne faut pas demander, à mon avis, aux associations d'être ce qu'elles ne sont pas. C'est-à-dire que SLU n'a jamais prétendu avoir un programme. On n'a pas une injonction à répondre sur la réforme de l'enseignement supérieur. Simplement, on peut pointer des choses qui nous semblent les plus importantes. Et je pense que de ce point de vue-là, j'insiste sur ce point, et je crois qu'on a eu raison, on a pointé quelque chose qui n'était pas simple à pointer dans une pensée de gauche, qui était la question du concours, par exemple. Question du concours comme question importante à la fois républicaine et démocratique, pas comme question simplement élitiste. Ça fait partie d'un débat qui est un débat à la fois théorique et pratique. Oui, non, je voudrais moi répondre à Alain sur la question de la liberté dans la recherche. Je n'ai pas dit qu'il y avait le problème ne se posait pas dans les sciences expérimentales ou les sciences de la matière. Hein. Pas du tout ce que je dis. Je vois très bien effectivement les enjeux dans différents domaines que je connais mal, mais enfin que je connais à travers la presse comme n'importe quel citoyen, les enjeux de choix de sujets en particulier, en relation avec les modes de financement, avec les orientations politiques, etc. Mais il y a une différence fondamentale, c'est pas moi qui l'invente, les épistémologues en ont parlé depuis longtemps, Thomas Kuhn, Karl Popper ou bien d'autres. Les sciences ne se ressemblent pas du point de vue de leur rapport à l'objectivité. C'est une banalité de dire ça. Les sciences humaines sont des sciences molles. Et précisément parce qu'elles sont molles, elles sont beaucoup plus fragiles dans leur rapport au pouvoir politique que les sciences de la matière. Vous avez un problème, vous, qui est un problème de dépendance sur l'agenda scientifique, sur la définition du choix des sujets et des priorités de recherche. Mais vous n'avez pas le même problème que nous avons, nous, sur le traitement des sujets et notamment sur le caractère paradigmatique de ce traitement. On a un double problème. Si on prend l'exemple de la science économique, par exemple, tu peux traiter un sujet de sciences économiques en libéral, en marxiste ou en keynésien. Ce n'est pas du tout la même chose, traiter le même sujet avec des conclusions radicalement différentes. Le problème de la liberté intellectuelle ne se posera jamais pour les économistes de la même façon que pour les biologistes ou pour les physiciens. En particulier parce que les gouvernements, sur le mode de traitement du sujet, je ne te parle pas de l'agenda, je te parle du mode de traitement du sujet, sur le mode de traitement du sujet, les gouvernements politiques n'ont pas d'opinion particulière. Alors que sur le traitement en sciences économiques d'un sujet, ils en ont une. Et lorsque le gouvernement préfère que les économistes soient libéraux plutôt keynésiens ou marxistes, l'impact sur la recherche est considérablement plus élevé qu'en biochimie, en astrophysique ou en biologie. Donc moi, je veux faire entendre cette spécificité des sciences. Le CNU de sciences économiques est intégralement tenu aujourd'hui par des économétristes, par des spécialistes de la finance, par des néolibéraux. Les marxistes et les keynésiens se font laminer sur les qualifications, sur les recrutements, sur tout. C'est un fait. Même le président du CNU dans l'Humanité a été obligé de reconnaître après la dernière session qu'il avait un problème, alors qu'il est courant principal. Bon. Oui, je crois, pour essayer un tout petit peu de donner ma petite touche à ce que vient de dire Jérôme, c'est carrément qu'est-ce qui fait la scientificité de la démarche qui est en question quant au rapport entre politique et pouvoir politique et certaines formes de disciplines. Il semble que là, il y a peut-être quand même certaines spécificités de certaines disciplines vis-à-vis de d'autres. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut nous dire, en tant qu'économiste, face aux économistes, que ce que vous faites est carrément pas scientifique. On peut nous dire, on peut éventuellement considérer, nous exclure ou nous discriminer, pas en disant ce que vous dites est intéressant, mais on n'a pas d'argent, ou on le sait intéressant, mais on le fera plus tard. On peut prétendre, le pouvoir politique peut prétendre, par rapport à certaines disciplines, de dire ça n'a pas lieu d'être, vous n'avez pas lieu d'exister en tant que scientifique. Voilà. Ça se discute. Et c'est légitime d'être discuté, si tu veux. Donc c'est pour ça qu'il y a peut-être des éléments un peu différents. Pas plus légitimes que d'autres problèmes qui se posent dans d'autres disciplines, hein, mais peut-être certaines spécificités, effectivement. le pouvoir cherche à prendre le contrôle de plus en plus de il n'a pas encore réussi à prendre tous les pouvoirs. Et je suis. Non, pas tous les pouvoirs, non. Tant qu'il n'a pas tout contrôlé, ce qu'il veut faire ne peut se faire qu'avec la complicité d'une partie importante de la communauté. Ce qui ne serait pas propre à votre domaine, parce que moi, en biologie, c'est aussi largement ça. Hein. Je constate que la plupart, d'ailleurs, des biologistes sont disparus des trucs militants. Parce qu'en gros, ils ont été servis, donc ils n'ont plus trop besoin de. Moi, je suis une espèce de dinosaure dans ce truc-là. Mais quand même, la communauté scientifique a un rôle à jouer. Donc, ça me surprend un peu que ce soit possible de. Enfin, bon, c'est ce que vous dites. Merci. Oui, c'était. Mais je pense que ça a déjà été dit, donc ça sera très court. C'est une partie importante des sciences sociales, tire profit également des réformes. Donc, ce n'est pas comment les amener à peut-être à se mobiliser. Enfin, des fractions participent, vendent leurs expertises, proposent leurs outils. Il y a prochainement un colloque sur les apports des sciences humaines et sociales à l'évaluation, qui est une annonce qui a diffusé, et donc comment proposer de nouveaux outils qui soient mieux, bien sûr, que ceux qu'on nous propose. C'est toujours dans l'objectif prétendu d'améliorer. Donc, en sciences de l'éducation, il y a un ouvrage aussi sur, comment ça s'appelle, conseil évaluation. Il y a énormément de... Alors, est-ce que c'est des trajectoires individuelles, de petits groupes de laboratoires de recherche ou de fractions de laboratoires qui cherchent à placer leurs études, à obtenir des contrats, et les experts. Et ça, il y en a beaucoup, beaucoup, un peu partout, je pense. Hein. Je ne pense pas que ce soit une université ou une institution particulière qui voit l'intérêt de valoriser, puisqu'on demande de valoriser leur recherche. Donc ça, je pense que les sciences sociales n'échappent pas loin de là à cette tendance. Oui, mais il y a souvent ça. Et sinon, j'aurais juste une petite question sur le privé, justement, par rapport aux expériences de mobilisation antérieures au niveau des syndicats. Où en est la recherche privée? Est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'élargir? Et autre question, le crédit impôt recherche, c'est quand même une niche fiscale énorme qui a même été dénoncée par des politiques UMP. On n'en parle plus. On a entendu juste, je crois, est-ce que c'est Sarkozy ou quelqu'un d'autre récemment qui a dit on n'y touchera pas, mais est-ce qu'il n'y a pas là un moyen pour sensibiliser l'opinion au-delà de enfin, voir l'utilité, mais comme ça, on a des doutes dessus. Alors, est-ce qu'il sert vraiment un peu à la recherche quelque part, dans certains secteurs plus que dans d'autres, peut-être dans les banques un peu moins qu'ailleurs, mais enfin, il le touche aussi. Donc, et dans le conseil, est-ce que là, il n'y a pas quand même des choses qui pourraient être... mobiliser pour alerter au-delà de nos secteurs, c'est une énorme somme d'argent quand même. Donc voilà, les questions pour ceux qui sont au courant, où en est-on? Je confirme ce que disait Annick, c'est que le fait qu'à la CGT, il s'indique des gens à la fois dans la recherche publique et privée a été quelque chose d'extrêmement important. Et effectivement, c'est par la CGT que KSLR, on a été en contact avec un certain nombre de militants, par exemple à Sanofi pour Thierry Baudin, qui est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup travaillé. Bon, il y a d'autres syndicats, il y a Sud pour EDF. Donc les liens pendant les luttes depuis 2004 se sont établis entre les deux secteurs, et ça c'est vraiment un des acquis de la lutte. Bon. Donc on reste en relation, mais les problèmes ne sont pas exactement les mêmes dans les deux secteurs, donc on ne peut pas faire en permanence des choses ensemble, mais enfin au moins l'information circule d'un côté à l'autre. Et sur le crédit impôt recherche, je ne vais pas en parler là, parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de textes qui sont sortis et sur lesquels on a discuté avec des gens du privé. Sur le crédit impôt recherche, il y a quand même une chose qui me frappe, c'est que notamment grâce au boulot fait par les copains de SLR, tout a été dit, tout a été démontré, tout a été démonté. C'est même tellement démontré que Il y a la majorité des députés de la majorité actuelle qui sont convaincus que c'est quelque chose qui ne rapporte pas suffisamment, qui en plus a montré des effets pervers, parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que les domaines dans lesquels le crédit impôt recherche est le plus utilisé sont des domaines du type les montages de la haute finance. Bon, c'est en gros ce qui nous a conduit à la crise d'il y a 2 ans. Hein, je veux dire, bon, si c'est ça qu'il faut subventionner, et puis bon, le fait, enfin, ce que vous disiez beaucoup mieux que je ne le dirais, sur la différence entre les subventions aux gens qui ont besoin de ça pour faire de la recherche et les subventions aux gens qui n'en ont pas besoin, parce que de toute façon, ils en feraient. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose de subventionner une PME, de subventionner Renault. Donc, ne serait-ce que même des choses comme ça, toutes bêtes, ça ne passe pas. Ça ne passe pas parce qu'on est en face d'un mur totalement idéologique qui est construit par quelqu'un qui ne veut pas reculer. C'est le même truc que sur le bouclier fiscal. Bon, après, il est obligé de le faire, mais il s'était dit, voilà, ça va marcher. Enfin, ou même pas, ou je sers mes copains, je ne sais pas. Mais, en tout cas. Marie Angeles Ventura de Cochin. Pour l'histoire du crédit impôt recherche, qu'est-ce qu'on peut dire ? Je veux dire, la Cour des comptes, le Sénat la commission de finances du Sénat et la commission des finances de l'Assemblée nationale ont dit que c'était une vaste fumisterie et que les 5 milliards d'augmentation du budget du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, dont j'ai entendu M. Hetzel se vanter une fois au MEDEF, à une réunion université machin, à l'enseignement, que ça a été passé de 10 à 15 millions en 2 ou 3 ans, eh ben, ça s'explique unique et exclusivement par les 5 milliards, milliards du crédit impôt recherche. Je veux dire que c'est de la com. C'est comme le grand emprunt, c'est de la com. Qu'est-ce que tu veux faire ? Et c'est là que je voulais venir à ce que je veux dire depuis un bon moment. C'est que, bon, on se dit qu'on a perdu, on se dit qu'on a limité la casse, on se dit, mais est-ce que vraiment on était en position. Enfin, le rapport de force, est-ce qu'il était vraiment favorable ? Je ne sais pas, moi. Moi, je suis espagnole, je suis née en 51, sous Franco. Il est mort de sa belle mort en 75. Ben, qu'est-ce que vous voulez ? On a essayé de se battre, on n'a pas beaucoup réussi, quoi. Bon, bref, est-ce que là, avec des énergumènes pareils, comme ceux qu'on nous gouverne, est-ce que vraiment on avait une chance ? On ne le sait pas avant, sinon on ne ferait pas de politique. On a essayé, bien sûr, on a essayé. Bon. Mais est-ce qu'il faut se fustiger et se dire est-ce qu'on a raté ci, est-ce qu'on a arrêté ça ? Ben, ça dépend. Quand on se donne des coups de tête contre un mur, ben, le mur, il ne s'écroule pas pour autant. En général, c'est le crâne qui s'écroule, je veux dire. Bon, on peut réfléchir à comment continuer, mais je crois qu'il faut, y a pas à s'autoflageller en disant qu'est-ce qu'on a raté, qu'est-ce qu'on a raté. Il faut savoir à qui on a affaire et quand c'est largement au-dessus de nos forces, ben, on a dit, ben, écoute, on a essayé, hein, on a l'honneur pour nous et puis, voilà. Tout est perdu, fort l'honneur. C'est ce que je dis toujours. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de perdre une journée ? On idéalise les gens qui font grève. Nous, on est censé avoir fait grève. Voilà, qui a perdu au moins une journée de salaire entre 2008 et 2009 ? Voilà. Oui, peut-être, mais combien dans la communauté ? C'est tout. Donc, je veux dire, il y a aussi des réalités sur ce que c'est que faire grève, etc., qu'il faut quand même regarder en face. Dans beaucoup d'universités, c'est les étudiants qui ont bloqué. Et les enseignants étaient bien contents. Moi, dans l'université à Bordeaux 3, on l'a occupé, l'université. Mais on était une minorité à occuper avec les étudiants. Et je recevais des textos de mes collègues me disant, à 8h, alors c'est toujours occupé, est-ce que je viens faire mes cours, qu'est-ce qu'on fait, etc. C'est tout. Donc il y a aussi un moment où, dans la reconstruction de notre geste révolutionnaire, il faut quand même regarder la réalité de ce que nous avons fait. Le moins que l'on puisse dire, c'est que nous n'avons pas fait le maximum. Et qu'en plus, ça a été dit tout à l'heure, au jour d'aujourd'hui, la majorité de nos collègues collabore activement à la mise en place des maquettes, à la mise en place du projet personnel étudiant, détruisant totalement l'adossement de la recherche, l'enseignement, etc. Tout ça, c'est en train d'être fait. Et ce n'est pas fait par des administrateurs sarkozystes envoyés en bataillon dans les universités. C'est fait par des collègues qui ont tous de bonnes raisons de dire « il faut, on n'a pas le choix, c'est comme ça, c'est très dur, tu comprends, etc. » Donc il y a un moment où on doit regarder cette réalité. Nous avons quand même, quand je dis nous, c'est pas moi, mais enfin collectivement, nous avons accepté que le 1er septembre de l'année dernière, des enseignants, nos anciens étudiants, aillent se faire massacrer dans des établissements parce que nous avons construit les maquettes de masterisation. Elles ne sont pas arrivées toutes seules du ministère, les maquettes. Donc, il y a quand même un moment où il faut qu'on regarde ce qui se passe dans notre communauté. Ça ne veut pas dire que ça va nous désespérer, mais c'est quand même une réalité. Si, ça désespère un peu. Non, ce n'est pas désespérant, parce qu'au moins, on sait contre quoi on lutte et avec quelles armes et avec quelles sont nos troupes. Et je trouve qu'il y a un moment où, quand on dit on a fait grève, moi je suis désolé, je veux dire, dans ma propre université, je connais des gens qui ont perdu énormément d'argent dans la grève, mais la plupart de ceux qui aujourd'hui disent qu'ils font grève, ils n'en ont pas fait une journée, ils n'ont pas perdu un centime de leur salaire, ils n'ont pas versé le moindre euro dans une caisse de grève, etc. Et aujourd'hui, quand je les vois repeints en gréviste, ça finit quand même par me faire un petit peu mal au ventre, parce que j'estime que c'est trop facile maintenant de reconstruire notre mobilisation en disant qu'on a tout fait, alors qu'on peut considérer quand même légitimement qu'on a essayé, qu'on est un certain nombre à avoir essayé un certain nombre de choses. Mais on ne peut certainement pas dire qu'on a tout fait et qu'on a fait face à un pouvoir qui nous a empêchés. Voilà, et je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, le jour où on manifestera tous les jours pour dire qu'on est mécontent, on pourra commencer à dire qu'on essaye de faire quelque chose. Mais c'est certainement pas en se disant, toutes les trois semaines, on va voir, etc. Puis de temps en temps, on fera un cours en cachette, on fera un cours en formation à distance par Internet pour ses étudiants, parce que les pauvres, il faut quand même qu'ils continuent à suivre, etc. Tout ça, c'est aussi une réalité, ça s'est aussi passé pendant qu'il y avait des CNU, etc. Donc, je crois qu'il faudra aussi regarder cette réalité plurielle, disons, et notre passé. Je voudrais juste dire un mot, mais sur quelque chose d'un peu différent, puisqu'on a parlé de la liberté de la recherche. Moi, il me semble qu'une des prochaines menaces tout à fait réelles, en fait, c'est sur la liberté d'enseignement, et pas seulement de recherche. Alors, tu me diras que c'est lié, hein, on est bien d'accord, mais là, très concrètement, c'est-à-dire que la nouvelle licence qui est dans les tuyaux, et qui est en train d'être mise en place de manière, mais alors là, je veux dire, à côté, les concertations de 2009, c'était carrément des négociations ouvertes et franches, hein, puisque, en gros, les représentants du CNESER sont exclus, et que donc le ministère est en train de monter un truc dont personne ne sait ce que c'est, et qui va être proposé au CNESER le 22 juin pour être soit voté, soit pas, mais de toutes les manières, la vie du CNESER, jusqu'à maintenant, n'a quand même pas arrêté beaucoup de choses. Or, il se trouve que dans un certain nombre d'universités, on voit, notamment à Bordeaux 3, on voit que le CA commence à se prononcer sur des contenus d'enseignement. Et les licences, les PPE, etc., etc. C'est-à-dire que si dans les licences, on met un stage, le fait qu'on doit enseigner les CV, ça commence à nous dire qu'on nous dit ce qu'on doit enseigner. On n'est plus à même de dire que ça, on ne l'enseignera pas. Donc là, il y a une menace qui est, la suite logique. La suite logique de la raison pour laquelle 2007, à mon avis, est quelque chose d'aussi fort, hein, pour reprendre ce que disait tout à l'heure Jean-Louis. Et une des raisons pour lesquelles, effectivement, moi je me rappelle que dès mai 2007, je me suis mobilisée en me disant, ils vont faire passer la loi dans l'été. C'était évident. Et c'était évident qu'ils allaient le faire sans aucune négociation. On était dans une logique qui était celle-là, parce qu'on était dans l'application d'une position idéologique par rapport à l'université qui était extrêmement claire. Mais là, je crois qu'on est au bout du bout. Et il n'est pas étonnant qu'avant de peut-être quitter le pouvoir, espérons-le, ils essayent de faire passer cette dernière salve, qui est absolument fondamentale. Voilà, donc je voulais juste dire que s'il y avait peut-être une priorité aussi, c'était celle-là. Du coup, c'est lourd pour moi de prendre la parole à la fin, alors que j'ai tellement hésité à la prendre. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'il me semble qu'il faut... l'intervention de Christian Topalov a bien positionné les enjeux, c'est-à-dire que le problème, c'est quand même une traduction politique de cette affaire, de toute cette affaire-là. C'est-à-dire que j'entends bien ce que tu dis, qu'on était gréviste tout en étant gréviste sans être gréviste, que... on se part des vêtements du révolutionnaire, mais qu'en même temps, on n'a pas beaucoup pris de risques, etc. Mais en même temps, on a, il faut en être conscient, on a affaire à des collègues qui sont, quand ils ne sont pas collaborateurs, sont extrêmement conformistes. Et donc, c'est quand même très, très compliqué et moi, je sais que depuis avant le vote de la LRU, je crois que j'ai compris un certain nombre de choses, sur notamment... quand des syndicats étudiants se battaient pour qu'il y ait insertion professionnelle dans l'article 1, c'était déjà le PPE de la licence, c'était déjà tout ça qui était inscrit dans l'avant-projet de loi. C'était évident. Bon, les collègues ne l'ont pas entendu. Quand il y a eu les assises le 2 juillet, je crois, 2007, à la Sorbonne, où il y a eu plein de juristes qui nous ont expliqué que ça allait politiser nos rapports professionnels au quotidien, etc. Moi, j'ai entendu les débats. Puis après, il y avait une table œcuménique avec la CPU, le SNESUP et tout ça, qui voulait voter une motion totalement délirante qui disait oh ben, finalement le projet de LRU ne va pas arranger les problèmes de l'université. Mais non, ce n'était pas ça qu'il fallait dire. Bon, bref, depuis mai 2007, il y a une question de politisation. Mais donc, il me semble que ça, c'est une vraie question et qu'il y a une vraie responsabilité. C'est pour ça que je salue l'intervention de Christian Topalov. Il y a une vraie responsabilité du Parti Socialiste là-dedans, puisqu'il faut bien. Il faut bien imaginer que, de toute façon, s'il y a alternance, ça ne sera pas sans le Parti Socialiste. Or, le Parti Socialiste, est, depuis mai 2007, ne dit rien sur toutes ces questions-là. Même s'il y a Montsubert, il n'est pas audible peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas, il ne dit rien. Et les présidents d'université, qui sont, pour certains, de droite bien identifiés, mais pour beaucoup, d'une espèce de gauche rose pâle, s'appuient là-dessus. Et les collègues, les différentes strates de petits Sarkozy dont tu parles, ou de collaborateurs dont tu parles, sont tous dans une forme de conformisme. C'est-à-dire, c'est à la fois l'inéluctable, et en même temps, ma foi, si on n'a pas une autre voie sur laquelle s'appuyer, donc je pense qu'il y a une vraie, vraie, vraie responsabilité du PS là-dessus. Et je crois qu'il faut, et que nous, essayer de trouver comment faire adhérer les citoyens, etc., c'est pas notre boulot, on sait pas faire. C'est un boulot politique, c'est pas un boulot. On peut, effectivement, en utilisant le talent des sociologues, le talent des biologistes, le talent ouvrir des... Bon, effectivement, l'affaire Mediator, elle est magnifique, mais on peut ouvrir des petites pistes. Mais si on n'a pas de relais politique, c'est même pas la peine. Enfin, je crois. D'ailleurs, 2009 nous l'a montré. Voilà, je suis désolée. J'ai bouilli tout le long, mais il me semble que quand même, il y a une vraie responsabilité des partis, et notamment essentiellement du Parti socialiste. Quand tu leur dis... ils ne te répondent rien à cela. Mais je me rappelle très bien quand il y a eu cette commission des Verts, du PC et du PS en plein mouvement. Et bon, je suis allé comme ça sans texte et simplement pour rentrer dans l'art en disant je vais les faire réagir. Il n'y a pas eu de réaction. Il n'y a eu aucune réaction. Aucune. Rien. Nada. C'est impressionnant. Et si tu veux, moi, je suis très impressionné par ça. C'est-à-dire que je disais tout à l'heure, je ne sais plus qui, et c'est lui, je ne sais pas si tu y étais, Anne-Lise, en décembre, quand ils ont été voir Montsubert. Montsubert leur a sorti un discours qui, bon, alors on était d'accord, pas d'accord, mais il y avait des choses sur lesquelles on pouvait être d'accord. Là, bon. Et on se disait, c'est le discours du PS, ça. Et tu vois le bouquin d'Aubry avec les 50 chercheurs, là, tu n'as absolument rien de ce discours-là. Et tu as le discours des refondateurs. C'est extraordinaire quand même. Sur l'adhésion au parti politique est quand même libre. Il y a aussi une responsabilité en tant que citoyen, on est tous universitaires, nous sommes aussi les citoyens, et les désertions de toutes les organisations collectives, qu'elles soient syndicales ou politiques, au bout d'un moment, ça finit par se voir. Si l'appareil du Parti Socialiste est aussi puissant aujourd'hui, c'est parce qu'il y a pas de militants. C'est aussi une réalité. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. J'ajouterais simplement un complément qui retranche rien à ce que tu as dit. Mais je pense qu'on a une réaction un peu réflexive qui consiste à faire peser la charge de la responsabilité sur le centre-gauche, en gros sur les sociotraites, sur l'Eurospal, etc. Et ça fait plusieurs années que je réfléchis là-dessus, sur la question des migrations sur laquelle je suis spécialisé. Moi, je suis frappé quand on compare la période actuelle avec la période des années 70, c'est l'effondrement idéologique de l'extrême-gauche, c'est-à-dire de la moitié gauche de la gauche. Parce qu'au fond, historiquement, le centre-gauche, c'est-à-dire la droite de la gauche, si tu veux, a toujours été dans cette position ambivalente. Et elle l'a toujours avancé avec un couteau dans le dos qui était sur sa gauche. Or, aujourd'hui, quand on cherche les intellectuels d'extrême-gauche, on ne les trouve pas. Ou alors, si on compare les revues d'extrême-gauche ou les réseaux d'extrême-gauche à ce qu'ils étaient dans les années 60-70, ils paraissent extrêmement fades, très peu nombreux, ultra planqués, etc., etc. Donc, je me demande, ça ne retranche pas, mais je me demande si, en plus de ce problème-là du centre-gauche, on n'a pas un vrai problème historique qui est celui de l'effondrement intellectuel, idéologique et militant de l'extrême gauche.